Et maintenant, je vous propose de revoir un certain nombre de mots qui finissent en S-I-O-N. Ce sont les mêmes dans les deux langues. Et là encore, il vous suffit pour les transformer, to transform them, de les prononcer correctement en anglais. En français, on prononce la terminaison S-I-O-N, zion, comme dans occasion, et la terminaison 2-S-I-O-N, sion, comme dans obsession. Tandis qu'en anglais, S-I-O-N se prononce jeune, comme dans occasion, et 2-S-I-O-N, shun, comme dans obsession. Bien, alors commençons. Si le mot anglais pour dire assez est enough, E-N-O-U-G-H, enough, comment direz-vous, j'ai l'impression que tu ne travailles pas assez? Alors vous voulez dire, en ce moment, tu ne travailles pas assez. Alors comme vous l'avez peut-être déjà vu avec Michel Thomas, vous allez avoir besoin de la forme en ing du verbe. Donc, j'ai l'impression que tu ne travailles pas assez. I have the impression that you're not working enough. OK, I have the impression that you are not, ou bien you're not, working enough. Et maintenant, si quand on parle de regarder la télévision, on dit to watch television, sans employer the, mot à mot regarder télévision, et si vraiment se dit really, R-E-A-2-L-Y, really, et mauvais se dit bad, B-A-D, comment direz-vous, je ne peux pas regarder la télévision parce que la réception est vraiment mauvaise. Alors, je ne peux pas regarder la télévision. I can't watch television. I can't watch television parce que la réception est vraiment mauvaise. Because the reception is really bad. I can't watch television because the reception is really bad. What a shame. Et maintenant, complétons notre phrase par « Alors, je vais rater mon émission préférée. » Alors se dit « so », S-O. Rater se dit « to miss », M-I-2-S. Et émission se dit « program ». Quant au mot pour dire préféré, c'est favorite. Pensez au mot français favori. Bon, alors reprenons notre phrase. Alors, je vais rater mon émission préférée. So I will miss my favorite program. So I will miss my favorite program. Alors, reprenons la phrase en entier. Je ne peux pas regarder la télévision parce que la réception est vraiment mauvaise. Alors, je vais rater mon émission préférée. Commençons par le début. Je ne peux pas regarder la télévision parce que la réception est vraiment mauvaise. I can't watch television because the reception is really bad. Alors, je vais rater mon émission préférée. So I will miss my favorite program. Okay. I can't watch television because the reception is really bad. So I will miss my favorite program. Bien, alors prenons encore quelques exemples de mots en S-I-O-N. Comment dira-t-on vision en anglais? Vision. Vision. Et dépression? Depression. Depression. Là encore, on retrouve les mots avec deux S-I-O-N qu'on prononce donc shun. Et ici, le DE initial se prononce D en anglais, depression. OK, et maintenant, si how do you say veut dire comment dit-on, littéralement comment dites-vous, comment traduirez-vous cette question? Comment dit-on invasion en anglais? How do you say invasion in English? Oui, c'est ça. How do you say invasion in English? Alors, je vous laisse maintenant répondre à cette question. En anglais, invasion se dira bien sûr... Invasion. Invasion, of course. Bien, alors évidemment, nous ne pouvons pas voir tous les mots en S-I-O-N avec precision. Il y en a tellement. Mais je suis arrivé à la conclusion que vous pouvez désormais en deviner plein d'autres par vous-même. Prenez bien ça en considération. Do take this into consideration.